Je vais nous mater comme deux liens qui est en moi. Je croise des froids dès que ma foi dort un peu trop. Je vois le mal, le cœur rempli. Les larmes d'une mère font qu'il déborde. Les mauvaises herbes que je fais pousser dans son paradis. Tous mes torts, moi j'ai mal. Quand le cœur d'un pote me ferme ses portes, c'est au bord des crises qu'on voit que l'amitié est zéro pot. Le silence qui t'aisait plus n'arrangeait rien. Tous mes plaies, ma fierté encaisse les coups. Les regrets se cachent derrière les bleus. J'ai plus que ma arme, le temps tue mais ne soigne pas. Malgré tous les efforts que l'entourage ne semble pas voir, je nourris mon mal chaque fois. Dans la panche, je me laisse aller. Toutes les sommes des preuves font que l'addition est trop salée. J'ai des soucis à digérer vu qu'on est nourri par le mal. On prend le large, nos vies chavirent. Faudrait qu'on nous répare le mal. Vaguement mené en bateau. Mais tant pis, je me jette à l'eau, tous nourris par le mal. Pour des gens talus, des jeunes s'allongent. Et puis, on rêve d'insolite dans son lit. On m'a sucré les appels, besoin d'une piqûre d'insuline. On vit avec la rage, mon petit. T'es mal et pas, j'compuise. Y'a pas que dans le rap qu'on trie, mais on veut du cash, compris. Mais putain, ça se complique, vu que les gars se conduisent de manière pas donc il faut arranger de sales combines. Et moi, je dis ce que je pense comme ardition. Sur le projet de Balthazar, on prépare une grosse addition. J'ai ouvert le glossaire, j'ai compris, j'ai frôlé l'ulcère. Sous pic, Balthazar, le mental posé sur l'anse. La tristesse de ma vie est un index sur un bout de métal qui presse la gâchette et qui en quatre jettes fait du mouetta. Régime draconien radical contre le mal-être s'impose. J'ai ma bouteille de contract dans une mallette. L'amertume tume sur le goulot me fait du bouche à bouche. Je mets tout fait pour survivre, je touche à tout. Affaire est pli par mes soucis de conscience. Je pars en coup, c'est un concours circonstant. Le chagrin est gourmand, il est touché par l'obésité. Aujourd'hui je comprends donc ta devise, faut plus hésiter. Moi j'ai mal quand le cœur d'un pote ferme ses forces. C'est au bord des crises qu'on voit que l'amitié est zéro. La tristesse de ma vie est un index sur un bout de métal. J'ai des soucis à digérer vu qu'on est nourri par le mal. J'ai mal pensé bien de voir le monde s'embraser. Voir ses ailes s'arracher par nos démons du passé. Tout ce mal au quotidien, ses vies aux quatre coins. Quoi bon croire en l'homme quand l'animal est plus humain. Le sang des innocents qui coule pour écrire l'histoire. La guerre, un jeu, un symbole, une flamme éteinte de l'espoir. J'ai mal quand je mate les scènes d'horreur d'un attentat. Un homme qui creuse sous les décombres et qui s'effondre en larmes. Le rêve européen mais sur le tiers monde du rouge à lèvres. Des parents troquent leur enfant le droit d'en abuser contre un billet. Ces images font que j'ai mal, oui j'ai mal. Quand je les mate de tous ces drames, y'en a marre. On est tous nourris par le mal, on n'a même pas de temps de répit. Putain j'ai le moral à la place, ça fait 10 ans que j'attends des piles. Attends, je me revigore. Mais j'ai rien sous la main, je me saoule la mort en solo man. Pour que seulement cela marche. Et j'ai envie de grogner, dans le rap on veut être vite premier. Un jour tu trouveras mon CD en promo dans un vide grenier. Cousin, demande à l'usi, on a la rage en nous. Avec le temps on rajeunit pas, on a l'air à genoux et là je loue. Même si quand je rappe souvent moi j'ai l'estomac vide. J'espère qu'il est costaud le navire, naviguant à l'ostomac. Vie est comme elle est. En se nourrissant de plans rap et je m'évade quand je chante. Mais pour l'instant c'est déplorable. Nourri par le mal-être, ouais, tant d'entre heureux. Mise en question qui m'empêche, ouais, d'être heureux. J'ai le poids des doutes du patron sur mon dos. La vie pure, rien à foutre, qui feront sur mon dos. Sans le vouloir, Renoir, je suis devenu Lulu lunatique. Paris que la vie est belle, j'ai même pas Lulu l'article. Oh, le poids de mes soucis est trop gros. Mais nique ça rase, ce mal de dos, j'ai le mettre au dodo. Mon sourire s'est changé en pression de la mâchoire. Le cul entre deux gestes, gros, j'ai du mal à m'asseoir. La tristesse est née, l'anxiété a perdu les os. Elle a su me capter alors que j'avais plus de raison. À quoi bon croire en l'homme quand l'animal est plus humain. Je me saoule la mort en soloman pour que seulement cela marche. Mon sourire s'est changé en pression de la mâchoire. Le cul entre deux chaises, gros, j'ai du mal à m'asseoir. J'en avais qu'une. Un ange tombé d'une bonne étoile, je me voyais déjà passer son auréole autour de son doigt. Si seulement je n'avais plus mal, j'ouvrirais mon cœur. C'est bien la déception qui fait le videur et je reste seul. Une relation durable, j'en connais plus le sens. Je suis distant et méfiant, mène en bateau mon existence. Si l'amour est aveugle, le bidon ne touche que le cul. Mais chaque jour, je prie Dieu de plus bander devant une chute. Moi j'ai mal, les années passent, pourtant rien ne s'arrange. Rien me fait douter, les choses empirent, c'est flagrant. Je nourris mon mal quand je fais mon trou entre deux cuisses de l'enfer. Derrière les grilles, je nourris mon mal, laissez que je se ressent dans nos. Un pic en guise de nourriture, un bénévole se fait rare. En cas de déj, donneur à tu. Putain, la tise remplit mon gros bidon. Puis me provoque un profil sombre. Et je me nourris par le mal avec des chèques sans provision. Souvent le compte à découvert, je me sens pas dans mon assiette. Même quand j'ai rien, moi je partage, tu me crois pas, demande à Seb. Les rôtis débarquent, on va leur baiser l'Astra. Ils aiment nous cuisiner depuis les portes du PC Amstrad. Et puis, le temps passe et mes soucis ont pris 30 kg. Et je t'avoue que ma thérapie c'est de rapper tranquille au calme. Allez, je me taille, attends aussi de speak une Toyota. L'amitié se fait rare, ignore si les jaloux te taillent un tag. L'estomac, je suis blessé léger. Je vais sombrer dans un coma BCBG. Je taffe dans la marine constamment, la tête sous l'eau. Du sang coule de mes narines, je suis rarement en solo. J'ai pas la solitude, je taffe, je suis mal dans ma peau. Mais j'ai assez de mental pour ne pas finir au McDo. Je suis pas bien sur ma branche, j'aimerais changer d'arme. Tout a pris racine sur un siège éjectable. Les soucis sont pas dignes, font partie de la patrie. Moi je rapatrie mon cœur, j'ai une douleur dans la poitrine. Faut que je prenne soin de lui, les amis sont décevants. J'ai effacé le sourire de mon visage au dissolvant. Je nourris mon mal quand je fais mon trou entre deux cuisses de l'enfer. Derrière les cris, je nourris mon mal et ses cuits. Je suis pas bien sur ma branche, j'aimerais changer d'arbre. Et je t'avoue que ma thérapie c'est de rapper tranquille au calme.